dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se corrompent, leurs œuvres sont vaines. Nul ne fait le bien selon ta sainteté. La terre est remplie de leurs chaînes. Dieu du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il en est un. Un seul qui cherche vraiment Dieu, un seul qui marche dans son sillage. Tous se sont détournés, tous sont pervertis. Dévore ton peuple comme on mange du pain. Il n'invoque jamais ton nom divin. Alors la frayeur s'empare d'eux, là où il n'est pas de peur. Car Dieu disperse les eaux des assaillants. Il couvre de honte ceux qui se dressent contre ses serviteurs. Oh, qui fera jaillir de Sion.